Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un drame social, régional et national, la faillite de la sidérurgie en Lorraine, là où jusqu'à la fin des années 70, l'acier pourtant faisait la fierté et la richesse de la région. Mais à partir des années 80, les plans de restructuration se succèdent avec leur cortège de crise sociale. En quelques années, la Lorraine perd ainsi plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans la sidérurgie et les mines de fer. Au cœur de la tourmente, un symbole et une réalité à la fois, l'entreprise Usinor, exemple de puissance industrielle française à Thionville comme à Longwy, premier employeur privé du bassin, entreprise indépendante, bien enracinée localement, socle d'une identité professionnelle forte, chantre du productivisme qui a fait recette grâce à la reconstruction, c'était le temps des entreprises paternalistes, le temps de l'économie dite réelle. Alors, comment en est-on arrivé là? Et comment maintenant réindustrialiser? Considération proustienne, sans le romantisme, tant cette histoire est à la recherche du temps perdu. Notre invité aujourd'hui, Pascal Ringy, maître de conférence à l'Université de Lorraine et membre du Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, auteur notamment du livre intitulé « Les mineurs de fer au travail ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Judith Chétrit, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 1978. Des hommes sont en train de gravir une montagne grisâtre. 70 mètres de haut, on l'appelle le crassier, à force d'y entreposer tous les déchets des hauts fourneaux de la sidérurgie lorraine. À Longwy, les habitants la nomment également le Fujiyama, tant c'est un repère imposant dans le paysage. En ce 9 décembre 1978, il y aura bientôt d'immenses lettres qui seront posées. Trois lettres. S, O, S. Grâce à un groupe électrogène, le signal s'allume à la pointe de la montagne. Et il fait sensation. Dans le bassin, tout le monde le voit, de jour comme de nuit. Et personne ne pourra plus ignorer le désarroi de ces hommes. Ils se battront pour leurs emplois. S.O.S. Ces trois lettres lumineuses de 2,50 m de hauteur se détachent ce soir au sommet du crassier qui domine le bassin de Longwy. La CFDT, à qui revient cette initiative, a décidé de lancer un appel au secours. Le crassier est un symbole pour la région, il est le témoin de son activité sidérurgique. De plus, il se voit de fort loin et quiconque a traversé le pays haut l'a remarqué. C'est un emplacement privilégié pour un message. Ce message est court, mais particulièrement significatif. Ce crassier n'a pas été choisi au hasard. C'est le symbole d'une industrie et de gisements qui ont fait eux seuls la richesse et les emplois de la région. Depuis le milieu du 19e siècle, dans cette partie enclavée de la Lorraine, l'emblème du patronat paternaliste, ce sont les maîtres de forge. Le journal Paris Match ne s'y trompe pas au début des années 60. La réussite de la région est dépeinte comme le Texas Lorrain. La main-d'œuvre est dense, 40 000 travailleurs dans les mines de charbon, le double dans la sidérurgie. Devancée par l'URSS, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni, la France est le quatrième producteur européen d'acier. Et quasiment deux tiers de cette production proviennent de la Lorraine, justement. Or, en avril 1966, l'entreprise Usinor, l'un des deux champions nationaux avec Sacylor, rachète le groupe Lorrainesco. À la télévision, l'annonce de la fusion donne le ton pour l'industrie régionale. Lorrainesco, c'est 25 000 ouvriers, techniciens et cadres. C'est une tour Eiffel d'acier par jour, 9 fois le poids du France en poutrelles, 2,5 fois le tour de la Terre en feuilles d'acier de 10 cm de largeur. C'est aussi un petit tuyau de Paris à Tahiti, un gros tube de Paris à Moscou, des rails pour une voie ferrée de Paris à Tarbes. C'est vite fait, en deux mots, le bilan annuel de ce géant. Usinor, c'est 20 000 emplois, avec l'ouverture sur la mer du Nord. L'usine des sables, comme on dit à Dunkerque. Presque 2 millions de tonnes d'acier l'année dernière et de grandes espérances. Un autre géant qui va fusionner avec le premier. Mais cette concentration cache déjà des disparités croissantes entre les différentes installations industrielles. Certaines d'entre elles sont jugées trop anciennes, peu rentables pour faire face à la concurrence européenne et mondiale. Il faut donc moderniser. La belle affaire. Car dans le secteur de la sidérurgie, la guerre commerciale a déjà débuté. Il y a d'abord le premier choc pétrolier de 73 qui fait chuter brutalement la demande d'acier. À l'étranger, des acteurs venus du Japon ou du Brésil s'imposent avec de nouveaux procédés et prennent des parts de marché. Certains produits des sidérurgistes français peinent à trouver des débouchés, et c'est déjà un signal. Et d'autres se rajoutent. À côté du port de Dunkerque, à Denain, le site d'Usine Or s'arrête de s'approvisionner en minerai lorrain pour en faire venir de Mauritanie, un gisement plus concentré en fer. Comme le coût du transport maritime a été considérablement réduit, il devient même plus cher d'en acheminer par rail plutôt que par mer. Ainsi, entre 1974 et 1977, la production de minerai de fer dégringole de 54 à 36 mégatonnes. Les volumes de vente commencent à stagner, le coût de la manœuvre augmente, la crise devient bien plus structurelle que conjoncturelle. Et puis la France ne peut plus y faire face seule. Dans certains sous-secteurs, comme les ronds à béton, les prix ont trop chuté. Alors Paris réclame des quotas de production par pays et des taxes sur les importations pour les pays venus hors de l'Europe. La France obtient en partie gain de cause avec le plan d'Avignon, négocié au niveau de la Communauté économique européenne. Un plan qui prévoit des licences pour mieux réguler les importations étrangères et des prix minima de vente obligatoires pour les producteurs européens. La Commission européenne met déjà l'accent sur les restructurations. Oui, restructuration. Le mot est lâché. Il conditionne le futur de cette industrie sans que personne n'arrive à en saisir les conséquences sur l'emploi et sur la vie sur ces territoires. Je ne suis pas venu pour récolter des sourires, mais pour répondre aux préoccupations des Lorrains. Le président de la République a donné dès ce matin à Metz le ton qu'il entend donner à sa visite de 48 heures dans l'Est de la France. D'une façon générale, l'accueil a été chaleureux, quoique plus réservé à Metz qu'à Nancy. Tout a commencé donc ce matin par l'inauguration de l'autoroute Paris-Metz-Strasbourg. L'une des préoccupations des Lorrains, c'est évidemment l'implantation chez eux des industries sidérurgiques. Et dans ce domaine, il n'est pas du tout question que ces industries quittent la région, a affirmé le président. Le 25 novembre 1976, le président Giscard d'Estaing, en effet, assure que la sidérurgie ne quittera pas la Lorraine. Non, elle se modernisera. Autrement dit, il faut se préparer des branches d'activité qui agonisent pour miser sur d'autres. Il faut s'en séparer, pardon. Grâce au Fonds de développement économique et social, des sites bénéficient déjà d'une manne importante du gouvernement. Les aides publiques alimentent une série d'annonces. Ici, on programme un projet d'enrichissement du minerai. Ailleurs, comme à Thionville, une aciérie à oxygène. Ce chambardement est tel que les plans s'enchaînent, les négociations se musclent et l'endettement des poids lourds du secteur se creuse. L'acier devient un panier percé. Mais il fera encore illusion jusqu'au début du mois d'avril 77. La première déflagration se déroule à Thionville. Usine Or ferme les hauts fourneaux, l'aciérie et les laminoirs. 3000 emplois sont laminés, assortis de licenciements sans reclassement. Seulement 800 personnes resteront pour la forge et l'aciérie électrique. Pour l'industriel, le site de Thionville n'est pas assez rentable. Les capacités de production doivent donc diminuer. Une partie de l'activité sera concentrée à Longwy, à une cinquantaine de kilomètres de là, tout près de la frontière avec la Belgique et le Luxembourg. Invité du journal de France, Saint-Heure, le 5 avril 1977, le directeur du personnel, on disait comme ça à l'époque, en l'occurrence Jean-Marie Nathan Hudson, défend cette décision. Vous savez qu'actuellement, il y a une crise gigantesque de la sidérurgie mondiale, à laquelle nous n'échappons pas, avec une concurrence internationale que je qualifierais même de sauvage. Dans ce contexte-là, la société Usine Or, si elle veut se défendre, si elle veut défendre les intérêts français, assurer l'emploi des milliers de personnes dans toutes les usines du nord et de l'est de la France dont elle assure l'activité, elle doit nécessairement se restructurer sur les productions sur lesquelles elle est le mieux placée. Il s'agit essentiellement des produits plats, les tôles, et les produits longs lourds, tels que les poutrelles de Valenciennes et de Longwy ou le train à fil de Longwy. En face, le front syndical se met rapidement en place. La CGT parle d'un acte criminel et organise dans la semaine une première manifestation en l'occurrence, ce qu'elle appelle un rallye de l'emploi, qui parcourt plusieurs communes jusqu'à Metz. À Thionville, le conseil municipal, prévu le lendemain, se déroule même à l'extérieur pour une session extraordinaire afin de voter une motion de soutien aux ouvriers d'Usinor. Les banderoles « Thionville veut vivre » se multiplient. Et tout comme le maire communiste de la ville, Paul Souffrin, l'ensemble des acteurs comprend rapidement que cette annonce sera suivie d'autres initiatives dans la vallée. Si ces 3000 emplois sont effectivement supprimés, c'est certainement une catastrophe économique pour Thionville, mais au-delà de Thionville, pour toute la région, et sans doute c'est une catastrophe nationale. En effet, 3000 emplois supprimés dans la sidérurgie, cela représente en fait autour de 10 000 emplois supprimés à Thionville même. Pour une population totale de 45 000 habitants, vous voyez ce que cela peut représenter. Ces travailleurs contestent cette décision qui n'a fait l'objet, disent-ils, d'aucune concertation. Alors, ils en appellent à un sursis et réclament l'intervention de l'État pour contrôler la manière dont les fonds publics ont été jusqu'alors alloués par Usinor. Le 14 avril, les syndicats et les maires des communes avoisinantes proclament une journée « ville morte » pour l'après-midi. Les commerçants, eux aussi, sont invités à baisser leurs rideaux de 15h jusqu'à 17h. Au micro de France Inter, ce matin-là, un délégué de la CFDT explique. On peut dire qu'on n'a jamais vu une prise de conscience aussi rapide du problème posé par la suppression d'emplois à Usinor Thionville et de la sidérurgie. Il faut lutter ou déménager ailleurs. Les travailleurs de Lorraine qui sont venus pour travailler dans la sidérurgie, de l'ensemble des régions de France et de l'étranger pour faire la richesse de cette région qu'on a appelée le Far West français, ne tiennent pas à faire de la région sidérurgique le désert lorrain. Parce que usine morte égale ville morte. Vivre et travailler au pays, répètent les ouvriers. Car au-delà de leurs emplois dans les aciéries, c'est une question de survie économique et sociale pour le département de la Moselle. Les ouvriers appréhendent la suite. Il en va de la subsistance des générations à venir. Comme dans le reste de la Lorraine, beaucoup d'ouvriers immigrés italiens, portugais, algériens et marocains y sont arrivés pour travailler et ainsi s'intégrer. Oui, quel que soit leur métier dans l'usine, ils partagent le même cadre. Ils font du sport ensemble, dépensent leur salaire dans les commerces des environs. Tous ont bien conscience d'habiter dans des villes-usines. Même si la dernière génération commence en partie à rejeter ce schéma, cela reste le décor de référence et l'état d'esprit dans lequel les enfants grandissent. Comme l'explique le syndicaliste Robert Dioalardé. Et que ce soit le matin ou le soir, même dans son lit, on entendait des bruits de la sidérurgie. Et comme nos pères travaillaient, on était même anxieux, parce qu'à ce moment-là, il y avait des accidents et tout ça. Donc on ne pouvait pas ne pas être imprégné de cette sidérurgie. Alors c'est vrai aussi que quand on voit tous ces travailleurs qui sont venus de tous les horizons, bon, pour moi, ça a été quand même une formidable épopée. Et je trouve qu'il faut... essayer de bien effectivement la revoir, l'étudier pour l'avenir, parce que ça peut donner des leçons sur l'avenir, surtout dans cette période d'incertitude. À Thionville, la mobilisation se poursuit timidement, mais les départs commencent. Beaucoup de personnels licenciés deviennent des pré-retraités. Mais en septembre 78, l'État est acculé face à la dégradation trop rapide des résultats financiers des sociétés sidérurgiques. Il ne s'agit plus désormais de se contenter de faciliter l'octroi de prêts. Non, il faut entrer au capital, participer au conseil, parce que c'est là que les décisions stratégiques se prennent. Pour le Premier ministre Raymond Barre, la sidérurgie se trouve en situation de faillite. Mais un dépôt de bilan est inenvisageable. Trop sensible sur le plan bancaire, social, politique. Le gouvernement navigue à vue. Le patronat, lui, est critiqué pour son manque de vision. D'autant que ces fermetures ne suffisent pas à enrayer la crise. 3 mois plus tard, le 12 septembre 78, c'est un autre couperet qui tombe. Il concerne cette fois les aciéries de Longwy. 12 500 emplois sont supprimés dans un plan présenté par la direction d'Usinor comme un plan de sauvetage. La une du Républicain Lorrain est sans équivoque. Usinor frappe Longwy à mort. À Longwy, le traumatisme est encore plus fort qu'à Thionville. L'annonce est vécue comme la perspective d'un déclassement assuré pour des familles entières. Et pour cause. Presque un ouvrier sur deux travaille pour la sidérurgie et ses sous-traitants. Y avoir un emploi est encore synonyme d'une bonne rémunération, d'acquis sociaux et d'un métier où il fait bon de gagner en ancienneté. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste. Un peu trop idéaliste qui répète sur tous les tons à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste, un drôle de je m'en foutiste. Qui dit à tort à raison, à quoi bon? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon? Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon? Plaisant triste, qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisant triste, qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste qui me dit le regard triste. Toi, je t'aime, les autres, ce sont tous des cons. France Inter, Affaires sensibles. Au pays des trois frontières, il n'y a plus de boulot. Camarades travailleurs, t'as peut-être droit à une vie meilleure. Et les cadences infernales, le petit chef trouve ça normal. Mais tu veux vivre au pays, même si c'est pas le paradis. Mais tu veux vivre au pays, même si c'est pas le paradis. Fin décembre 1978, ce qui devait arriver arrive. C'est la grève générale. L'intersyndicale appelle à une manifestation dans les rues de Longwy. Par un froid glacial, entre 25 000 et 30 000 personnes descendent dans la rue contre ces licenciements. Ces images ont un retentissement national. La manifestation est massive, pacifique. Au sommet des Crassiers, le SOS Emploi fait déjà figure de totem. Des blocages de routes sont également organisés après Noël. La mobilisation des ouvriers dépasse leur lieu de travail. Le rapport de force avec le patronat et l'État se déplace donc dans la rue. Leurs voix se font aussi entendre à la télé. Début 79, aujourd'hui Madame, l'émission de l'après-midi destinée aux femmes au foyer, consacre un numéro entier aux femmes dans l'action à Longwy, c'est le titre. Et c'est la lettre d'une certaine Madame Saumier, une institutrice qui sert d'introduction. J'habite Longwy. Non, ce n'est pas sur une autre planète, ni à l'autre bout de la Terre. C'est tout simplement dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Nous faisons partie d'un pays qui s'appelle la France, qui se souvient de nous pour les impôts. Nous ne sommes ni des oiseaux périssant dans une immense marée noire, ni des réfugiés quittant leur pays sur un vieux rafio et espérant une terre d'accueil. Nous ne sommes que les habitants d'un bassin sidérurgique que l'on vient de condamner à mort et que l'on exécute dans une indifférence générale. Pour l'instant, la colère court. Faut-il la faire exploser pour que les gens réagissent? Faut-il tenir le langage des explosifs pour obtenir satisfaction? L'exaspération monte, car à Paris, le pouvoir semble se cabrer. Et les défilés et les occupations d'usines n'ont que peu d'effet. Alors, dès février 79, les syndicats décident de passer à des modes de contestation plus percutants. Et les actions coup de poing se multiplient. Des habitants y participent. Déchargement de minerais sur la voie publique, occupation de la gare de Longwy, du centre des impôts, saccage des bureaux d'Usinor et de la sous-préfecture, blocage des grands magasins. Historiquement moins implantés, les syndicalistes locaux de la CFDT veulent en découdre. Ils se font remarquer par leurs opérations clandestines, tonitruantes, violentes même. À leur côté, quelques camarades de la CGT. Mais ceux-ci n'ont que faire des réprimandes de leur fédération. En tout cas, cette radicalité inhabituelle tranche avec la ligne de la centrale. À Longwy, les stratégies différentes des sections locales pour mener le combat créent un sérieux remue-ménage et des scissions parmi les militants, notamment entre les plus jeunes et les plus vieux. C'est la bataille de la visibilité. Il faut se faire entendre pour entretenir la pression et le bras de fer. Les sidérurgistes trouvent alors un soutien forcé et inattendu pour appuyer leur cause. Il se trouve que le 7 mars au soir, Johnny Hallyday est en concert à Metz. Vers minuit, près de 150 sidérurgistes débarquent dans le hall de son hôtel et montent à l'étage de sa chambre. Au bout d'une vingtaine de minutes, voici le chanteur qui part avec les sidérurgistes en direction de Longwy. Leur coup est réussi. Et mon Johnny, il était là avec le casque de sidérurgiste sur la tête, un jean, et puis il avait une veste de toile beige, je me souviens. Et puis, ma foi, bon, il lui donnait des explications, hein, les ouvriers, tout savoir comment que ça fonctionnait. Après le train file, on est allé sur l'usine de la chair. C'était vétuste, hein, comme installation. Hein, ça, il faisait chaud d'un côté, il y avait le froid de l'autre côté, tout ça. Alors, c'est de là qu'il me dit, oh, c'est l'enfer. Il dit, cette usine, c'est l'enfer. Il me dit. Dix jours plus tard, c'est un autre écho, une autre voix qui résonne dans le bassin. Ici Lorraine, cœur d'acier, modulation de fréquence 97,6 MHz. Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine, cœur d'acier. Lorraine, cœur d'acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine, cœur d'acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. C'est le journaliste et adhérent de la CGT, Marcel Tria, qui lance la radio Lorraine, cœur d'acier. L'idée, c'est de toucher un plus large public. Un auditoire qui dépasse la couverture de la crise et les propositions des syndicats pour maintenir l'activité sidérurgique. Encadré par des journalistes professionnels, l'antenne est ouverte et les débats sont diffusés en direct. On récupère du matériel à droite à gauche, les studios et les antennes changent fréquemment d'endroit pour ne pas se faire repérer par la police. Au micro s'expriment des syndicalistes, des instituteurs, des personnalités comme Georges Marché ou Daniel Cohn-Bendit, des travailleurs immigrés, des femmes. Dans des usines, des ouvriers ont installé des haut-parleurs pour écouter cette radio pirate. À une époque où l'État a encore le monopole des ondes, des gendarmes se mettent tant bien que mal à chercher l'antenne pour la couper. Pendant ce temps, une marche à Paris en solidarité avec les sidérurgistes se profile. Programmée le 23 mars 1979, et il faut la préparer, maintenir le tempo, la pression, la mobilisation. Les Lorrains débarquent, et ce n'est pas pour contempler la Tour Eiffel, ce sacré bout d'acier lorrain. Enseignant dans un collège de la banlieue de Longwy, l'historien Gérard Noiriel en fait partie. Il y avait une grande tradition des marches sur Paris. Il y avait eu la marche des mineurs de charbon à Trieux en 63, etc. Donc là, c'était l'apothéose et il y avait beaucoup d'espoir autour de ça. Et effectivement, c'était incroyable, quoi. C'est pour ça que personne ne croyait aux 50 000 manifestants annoncés par la police. C'était un flot ininterrompu de gens. Ce côté aussi bon enfant et populaire au sens ouvrier du terme, c'est-à-dire les familles qui étaient là, les enfants qui défilaient derrière ces slogans. ans. Et ce mot d'ordre, nous voulons vivre, étudier, travailler au pays, qui on en reviendra certainement après, parce que c'était extrêmement significatif aussi de l'histoire de toute la région, où les gens s'étaient intégrés autour des valeurs du travail, de l'acier, du fer, etc. Donc c'était, voilà, c'est cette dimension-là, c'est ce côté festif aussi. Faut bien voir, pour ces ouvriers, quand même, c'était des gens qui avaient un univers local, c'est-à-dire monter sur Paris. D'ailleurs, on en avait parlé des mois avant. Donc là, c'était l'apothéose. Depuis mai 68, la capitale n'avait plus vu une telle manifestation. 60 000 personnes selon la police, plusieurs centaines de milliers selon les organisateurs, selon ces variations habituelles de chiffres entre deux sources qui communiquent, ce qui les arrange. Et comme un mai 68 à retardement, le journal Le Monde évoque même la République populaire de Longwy, mais la marche sur Paris dégénère. Attention à la marche, comme disait ce matin le journal Libération. Comme on pouvait le craindre, les groupuscules autonomes ont détourné la marche sur Paris organisée par la CGT. La police, qui s'attendait au pire, avait pris les devants. Entre 9h et midi, près d'une centaine de gauchistes parisiens ont été interpellés préventivement, mais ça n'a pas suffi. En début d'après-midi, un groupe de 200 casseurs a commencé à provoquer des incidents au départ de la manifestation Place de la République. En fin d'après-midi, Place de l'Opéra, les incidents ont dégénéré en véritable combat de rue extrêmement violent. Les scènes de vandalisme passent mal. Dans les sondages, le mouvement est de plus en plus impopulaire. Au bout de quelques mois, la mobilisation commence à s'essouffler. Les acquis obtenus restent faibles. Le nombre de licenciements prévus pour l'année en cours n'est réduit que d'un quart. Seule une partie de l'activité est encore provisoirement maintenue et les syndicats signent une convention générale de protection sociale afin de compenser et d'accompagner les salariés qui perdront leur emploi. Eh bien, c'est chose faite. En juillet 79, les conditions de départ en pré-retraite sont plus avantageuses et peuvent correspondre en fonction de l'âge à 70 jusqu'à 90% du salaire. Des primes de compensation de 50 000 francs sont également distribuées. L'État incite à la formation et à la reconversion pour les sidérurgistes, trop jeunes pour la retraite. Alors l'échec tombe et les ouvriers se démobilisent. Aussi inventive qu'elle a pu être, la lutte n'a pas réussi à contrecarrer le démantèlement progressif mais certain de la sidérurgie. Certains en profitent pour déménager également. Pour beaucoup, c'est le moyen d'échapper à une vie d'usine toute tracée. Difficile de savoir ce que les anciens sidérurgistes licenciés sont devenus. L'État procède peu au suivi de reclassement. Ce qu'on sait, un peu d'exploitation agricole, surtout des tertiaires, commerce, hôtellerie, restauration, bâtiments. En 1980, la sidérurgie lorraine représente 40% de la production française d'acier. Dans le bassin de Longwy, d'autres espèrent encore que la crise se terminera, que l'activité sera sauvée lorsque la gauche arrivera au pouvoir. L'alternance, en effet, pourrait sonner la fin du cauchemar. François Mitterrand l'avait dit, on nationaliserait tout, les mines, la sidérurgie, la production repartirait, plus un emploi supprimé. En octobre 1981, 5 mois après son élection, François Mitterrand est accueilli en grande pompe à Longwy. Amassé devant la façade de l'hôtel de ville, la foule l'écoute. Oui, le symbole, c'est Longwy. C'est toute la Lorraine durement frappée par la crise. Victime d'une politique d'abandon ou de laisser-faire. Il n'est pas une mesure arrêtée par le gouvernement qui ne s'inspire de l'engagement que j'ai pris devant les Français. D'abord, l'emploi. C'est la bataille prioritaire. Et tout est prêt aujourd'hui pour que cette bataille soit engagée et conduite avec succès. Le gouvernement a mis pour cela en chantier les réformes nécessaires. Il faut gagner la guerre économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une dizaine de jours plus tard, les débats parlementaires sur les nationalisations commencent. La loi sera promulguée en février 82. Mais même devenu État patron, la France n'est plus seule à prendre des décisions pour l'avenir d'Usinor et de ses sociétés sidérurgiques. Non, l'Union européenne pèse également dans le rapport de force. Les politiques décidées au milieu des années 70 se poursuivent. Le nouveau gouvernement de Pierre Mauroy continue sa perestroïka à la française. Lors des plans aciers des deux premières années du septennat, ce sont quasiment 25 000 emplois supplémentaires qui sont supprimés dans la sidérurgie lorraine. En 83, Longwy ne compte plus qu'un quart de ses effectifs dans le secteur. L'industrie n'a pas disparu, mais elle n'occupe plus une place centrale. Les coulées d'acier ne rougissent plus le paysage, les usines prennent la poussière, se rouillent, abandonnées après de bons et loyaux services. Usinor devient une friche, un simple point de repère géographique, mais plus de fonction économique ou sociale. À une vingtaine de minutes de là, la dernière mine de fer d'Odalotich cessera d'être exploitée en 1997. Quelques années après, les caméras se braquent de nouveau sur Longwy. Pas pour se féliciter de l'arrivée de nouvelles entreprises, mais d'une autre histoire industrielle qui pourtant a sacrément mal tourné. Tout avait bien commencé. D'un côté, un géant sud-coréen de téléviseurs, Daewoo, qui veut s'attaquer au marché européen en produisant en France. De l'autre, un territoire et des institutions qui sont prêtes à dérouler le tapis rouge. En coulisses, cela veut surtout dire des dizaines de millions d'euros d'aides publiques empochées, avec en contrepartie la création d'emplois pérennes. Famec, Villers-la-Montagne et Mont-Saint-Martin, trois usines, près de 1200 salariés embauchés pour fabriquer des tubes cathodiques et assembler des micro-ondes et des téléviseurs. Daewoo devient ainsi l'un des principaux employeurs de la région. Mais en 2002, l'entreprise s'avère surendettée. Et les licenciements commencent. Les productions sont délocalisées en Pologne, en Turquie, en Chine. Pire, le fondateur sud-coréen fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour corruption et détournement de fonds. En France, en à peine 12 mois, les trois sites ferment tour à tour après un mouvement social d'ampleur et un incendie. La reconversion dans l'électronique n'aura pas abouti. Aujourd'hui, les résonances de cette affaire sont assourdissantes. Cela fait un moment maintenant qu'on se lamente sur ces décisions stratégiquement mortifères, celle de la fameuse complainte de la désindustrialisation aggravée par le phénomène des délocalisations. Alors, chaque nouvelle proposition politique, de tous bords, y va de son couplet pour un changement de paradigme. Soyons réalistes, comme il disait en 68, demandons l'impossible. Thank you. soft snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Usinor. Notre invité Pascal Raghi. Bonjour. Bonjour. Vous intervenez de Nancy, maître de conférence à l'Université de Lorraine et membre du Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire. Vous êtes l'auteur notamment du livre « Les mineurs de fer au travail » et « La désindustrialisation de la Lorraine du fer ». Voilà. Alors au moment où commencent les difficultés de la sidérurgie, de quelle image bénéficie encore cette industrie polluante? Soit dit au passage, mais à l'époque, ça n'était pas le souci majeur. Alors il y a une image un peu décalée de cette industrie, parce que c'est à la fois ce qui a été dit dans le récit, qui était très bien d'ailleurs, sur l'aspect assez extraordinaire et assez important de ces usines. Et puis on commence, et vous l'avez dit aussi dans le récit, à un peu s'en détacher. Les nouvelles générations, qui sont davantage diplômées que les anciennes, commencent à penser à autre chose et à sortir de l'usine. Donc il y a une image un peu ambivalente dans les années 70, on va dire juste au moment de la crise, et c'est ça qui est curieux. Et puis j'ajouterai quelque chose pour compléter un peu votre récit, c'est aussi la rapidité à laquelle la crise arrive, et ça explique beaucoup de choses. Alors à l'époque, on s'en est peut-être pas aperçu. Pardon, la crise pétrolière de 73. La crise pétrolière suivie de la crise industrielle, des industries qui dépendent en grande partie du... Voilà, c'est ça. Il y a deux crises pétrolières et puis une crise industrielle aussi à l'échelle européenne. La France n'est pas seule dans la crise. Bien sûr. Alors jusqu'à la crise, quelle est la conception du travail dans cette industrie et des rapports sociaux de ce qu'on appelle l'économie réelle, celle qui produit des richesses, et là où les valeurs travail et capital finalement fonctionnent de concert? Oui, alors c'est curieux, parce qu'aujourd'hui on ne fonctionne plus du tout comme ça. On parle beaucoup du paternalisme, mais il y a aussi une implication des syndicats. Par exemple, les syndicats sont très présents, et donc ça permet d'avoir une sorte de contrepoids à un pouvoir, on va dire, patronal qui serait trop important. Et ça, c'est quelque chose qui a été acquis par des luttes sociales, c'est évident, dans les années 30, puis après dans les années 50-60. Et dans les années 70, on est dans cette sorte d'équilibre, et vous le disiez aussi dans le récit, où il y a des avantages sociaux, enfin, il y a des salaires qui sont relativement élevés pour le monde ouvrier. Donc on est dans une sorte d'équilibre, ce qui explique aussi, et vous l'avez dit, l'ampleur des réactions et la colère des gens. C'est-à-dire c'est ce système-là qui est cassé au-delà de l'industrie elle-même. Alors, que veut dire exactement, on y reviendra d'ailleurs là-dessus, sur l'implantation de ces industries et les conséquences souvent positives de la vie en société sur un territoire. Mais que veut dire exactement le terme désindustrialisation? Je précise ma question. Avait-on déjà, ou dans le cas présent, l'intention stratégique préméditée de mettre le paquet sur les services et la technologie de ces services? Vous savez, ça me fait penser au Minitel qui était ces années-là en plein dedans, la grande fierté du gouvernement français. Louis Mexando, le ministre des Postes, était ministre du Minitel, très haut placé dans la hiérarchie du gouvernement, qui était devenu priorités, symbole du tournant. On passait aux services et à la technologie des services. Est-ce que le bassin lorrain a été victime de cela, ou d'abord d'une crise qui a poussé à cela? Il y a eu deux époques, je crois. La première époque, c'était la volonté de remplacer de l'industrie par une autre industrie. Ce qui avait été fait notamment à la fin des années 70, quand des usines automobiles ont été ouvertes en Lorraine, ou alors développées. Je pense notamment au site de Batilly en Meurthe-et-Moselle, ou au site de Borny à côté de Metz en Moselle. Et après, il y a eu l'époque que vous venez de signaler, avec cette volonté, on va dire, de faire moderne. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Exactement. Oui, voilà. L'industrie, c'est polluant, c'est sale, c'est ancien, ça fait assez 19e siècle, et donc on va passer à quelque chose de beaucoup plus propre, les services, l'électronique, l'informatique, etc. Dont le Minitel, ouais, était en 84 et 85 vraiment le symbole. Hein. Tout à fait, oui. Alors à qui la faute maintenant? Parce que comment retracer la part des responsabilités des différents acteurs en jeu? Je pense aussi d'abord aux politiques. Après tout, c'est eux qui décident, en tout cas à l'époque, qui décidaient de la politique industrielle de la France. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas vu? Moi, je crois que ce qu'ils n'ont pas vu à cette époque du côté des politiques, c'est le changement, en fait, le changement de monde. C'est-à-dire que cette crise en Occident, on va dire, c'est une crise économique très profonde et on change vraiment de modèle économique. Et ça a pas été perçu. Pendant longtemps, on a cru, et moi, j'ai trouvé des archives là-dessus, on disait, bon, voilà, encore une crise de la sidérurgie, il y en a eu plusieurs, on a traversé la guerre mondiale, on s'est remis à chaque fois. Mais là, ce qui n'a pas été perçu, je crois, mais c'est pas de la faute des gens à l'époque, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le recul pour le voir. Nous, aujourd'hui, c'est facile pour nous de donner des leçons. Mais ils n'ont pas vu l'ampleur de cette crise. Et on a vraiment basculé dans le monde. Ce que vous venez de dire sur le Minitel, c'est intéressant. C'est-à-dire cette vision, on va dire, d'une industrie un peu déterritorialisée, propre, liée à l'électronique, l'informatique, avec le dernier avatar de ça, c'est ce que disait Churuc, le président d'Alcatel, avec une industrie sans usine. Enfin, voilà, ça, c'est le paradoxe ultime. Mais c'est un peu ça. Donc, et là, je crois qu'on n'a pas perçu le changement de monde. Alors, j'ajoute quand même que les Italiens et les Allemands n'ont pas fait tout à fait ce choix et ils sont aujourd'hui les deux premières puissances industrielles d'Europe. L'Italie n'est pas la deuxième puissance économique d'Europe, mais la deuxième puissance industrielle. Ils ont fait un autre choix et aujourd'hui, les produits manufacturés, y compris en France, viennent essentiellement d'Italie et d'Allemagne, quand même. C'est vrai. Après, c'est une question de mentalité. On va dire quel modèle économique on veut pour le pays, et c'est complexe. Et puis les Italiens sont partis, si je prends cet exemple particulier, d'un désavantage pour en faire un avantage. C'est un pays qui avait très peu de ressources minérales et ils avaient très rapidement basculé vers la scierie électrique, qui est en fait quelque chose qui permet de recycler des ferrailles. Et ils avaient un temps d'avance sur nous à cause de ça. Et les Allemands avaient une puissance industrielle qui était déjà beaucoup plus forte que la nôtre, ce qui explique aussi ça. Mais ils ont quand même connu des phénomènes de désindustrialisation en Allemagne. On va se retrouver dans 3 minutes, bien sûr, pour continuer cette conversation passionnante, parce que c'est quand même un tournant dont on connaît les conséquences maintenant et que certaines générations ont vécu. Donc on se retrouve tout à l'heure, après avoir écouté Michael Kiwanuka, Beautiful Life. Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to see. Pascal Angie, nous continuons cette interview et je reviens sur le combat d'Usinor, proprement dit. Qu'est-ce qu'il y avait d'inédit dans cette lutte sociale? Je crois que ce qui était inédit, c'était les façons de lutter. Vous l'avez dit dans le récit, hein, c'est déjà mettre un SOS en haut du crassier, utiliser une radio alors qu'on n'a pas encore l'autorisation d'émettre pour les radios libres à ce moment-là. Il y a beaucoup de créativité, et une créativité qui vient notamment du syndicat CFDT, qu'on considérait à l'époque comme rempli de gauchistes, hein, c'est le mot de l'époque, c'est pas moi qui le dit. Et donc il y avait cette créativité importante dans le monde syndical, avec une sorte de bouillonnement aussi qui était générationnel. On était dans les années post-68, et c'est aussi ça qui explique cette créativité et cette originalité. Et ce qu'ont vécu les mineurs du Nord avant eux, ça a été un modèle aussi ou pas? Oui, parce que les luttes pour, on va dire, empêcher les fermetures de sites, ou en tout cas pour accompagner socialement les mineurs et ensuite les sidérurgistes qui perdent leur emploi, elles ont débuté même avant, et pas forcément dans le Nord. Je pense à l'Aveyron et à Decazeville avec l'occupation des galeries. Oui, voilà. Et ces modes d'action qui anticipent, on va dire, les aspects médiatiques, ça permet aussi de faire parler d'une région, d'un site, de façon un peu plus spectaculaire. Vous parliez des actions coup de poing aussi dans le récit. C'est ça le but, hein. L'idée, c'est de faire parler de soi, de dire voilà, nous on existe, et pour avoir jusqu'à Paris, jusqu'aux instances, on va dire, supérieures de l'État, un écho important. Il y a quelque chose de toujours romanesque en même temps dans ces grandes luttes. D'ailleurs, la grande littérature s'en est emparée. Hein. Vous avez vécu, je crois, cette lutte quand vous étiez enfant, c'est ça? Oui, moi j'étais enfant et je me souviens, j'ai des souvenirs assez flous de tout ça, mais j'avais des cousins qui étaient plus âgés que moi, qui étaient dans les manifs. Enfin, c'était des grands moments comme ça d'union aussi. Après, faut préciser aussi, vous l'avez dit aux auditeurs, que il y avait énormément de gens. Hein, la manifestation à Paris, on estime aujourd'hui, alors on n'est pas dans l'estimation de la police, désolé, mais on estime qu'il y avait à peu près 100 000 personnes, et c'est quelque chose de très important. Il y avait vraiment une communion derrière ces sidérurgistes, parce que des gens dans la région qui avaient rien à voir directement avec la sidérurgie se rendait bien compte que la disparition de cette industrie, c'était la disparition. Il y avait un témoin qui le disait, je crois que c'était le maire de Thionville dans votre, oui, dans votre récit, c'est la disparition d'emplois tout autour. Hein. Et je pense aussi à des emplois qui sont des emplois de commerce, dans le libéral, etc., qui ne sont pas forcément des salariés qui sont liés à la sidérurgie. Des sous-traitants aussi. Voilà, oui, c'est ça. Alors, oui, sous-traitants encore. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un jeu de domino, des conséquences entraînent d'autres. Exactement. Je parlais tout à l'heure de fresques romanesques, oui, chez Zola, mais là, ça reste, il y a une dimension épique. Elle existe quand même. On la sent dans ces luttes-là, et c'est pas rien non plus. On la sent parce que c'est un monde qui a été constitué à partir de la fin du 19e, et je crois que cette industrie sidérurgique avait donné l'illusion de sa permanence. Et on s'aperçoit dans les années 70 que cette permanence, et c'est bien une illusion. Et donc les gens perçoivent ça. Et la perception de la fin d'un monde, c'est quelque chose de romanesque. Enfin, il y a quelque chose, voilà, de cet ordre-là. C'est d'ailleurs le Goncourt de 2018, Nicolas Mathieu, l'a bien exprimé dans Leurs enfants après eux, qui est un ouvrage un peu triste, je l'avoue, parce que moi j'ai vécu la période, je l'ai pas vécu de façon aussi triste. Mais il y a cet aspect-là de perception d'un monde qui disparaît. Alors, la radio libre, donc c'est monté pour soutenir ce combat. Là aussi, c'est un vrai événement quand même, hein. Oui, surtout que c'est une radio de la CGT, et puis petit à petit, la créature, comme la créature du docteur Frankenstein, lui échappe, et finalement, c'est une radio qui devient vraiment libre au sens premier du terme, avec des gens qu'on n'entend jamais à la radio à cette époque, qui interviennent. Je pense notamment à des immigrés, je pense aussi à des femmes d'ouvriers. Enfin, c'est une radio, c'est une expérience radiophonique très intéressante et très originale. Est-ce que ça veut dire que les actions citoyennes autour des actions sociales classiques, elles ont un petit peu inquiété la CGT, de même façon que les jeunes révoltés de 68, dont la CGT avait plutôt peur d'ailleurs, en se disant c'est pas ils vont nous déborder, ils sont pas structurés. Est-ce qu'il y avait le même ressentiment ou les mêmes craintes? Oui, je pense qu'il y avait les mêmes craintes de la part de la centrale, et parce que effectivement il y avait une génération de militants qui était assez créatif et assez décalé par rapport aux directives syndicales habituelles, et c'est quelque chose de nouveau pour la CGT. Moi j'ai le souvenir d'avoir vu un reportage où on voit un maire ou un député communiste dans un stade, et les gens de la CFDT crient, on est tous des personnalités, et ils s'en vont du stade, et le pauvre monsieur se retrouve tout seul devant un stade vide, parce qu'on a ces militants qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, et qui réagissent différemment. Alors, il y a toujours ce problème chez nous de centralisation. Ça paraît qu'il décide tout pour tout le monde. Là encore, est-ce que Paris n'aurait pas pris l'exacte mesure de ce qu'est la Lorraine, sa façon de vivre, sa sociologie? Est-ce que ce décalage a été un facteur aggravant? Je pense qu'au début, il y a eu un décalage. C'est-à-dire, avant les remontées du terrain, comme on dit, et avant les manifestations, il y a bien un décalage. C'est-à-dire que je ne sais pas comment a été envisagée la réaction populaire face à la volonté de restructurer, mais il est clair qu'elle a été sous-estimée, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il y avait une vision de la Lorraine qui correspondait pas forcément à la réalité. Alors, le rôle de la médiatisation, alors, Radio Lorraine Coeur d'Acier, hein, les journaux, la presse, donc la presse s'est emparée de l'affaire, et c'est bien normal, hein, c'est son devoir, c'est sa fonction, pardon. Quel est votre regard sur le comportement de la presse pendant ces événements-là? Alors moi je travaille sur les articles de presse de l'époque. C'est déjà une presse d'un très bon niveau, hein. Moi je dois le reconnaître de façon, on va dire, objective, avec des journalistes très impliqués, avec une description aussi des événements assez technique. Moi je suis même étonné. On a des gens qui sont des vrais connaisseurs à la fois du monde syndical et de l'industrie sidérurgique. Et donc moi je trouve que la presse a bien fait son travail. Après évidemment il y a des limites. Les limites c'est certaines manipulations qui ont pu exister, et certains articles de presse sont tombés un peu dans le piège globalement, mais ça a été quoi. À part ces choses-là, d'accord. Je trouve que le niveau était très bon. Alors, après ces fermetures, est-ce qu'il y a encore des espoirs d'une réindustrialisation dans le bassin de Longwy? Alors aujourd'hui en Lorraine, on a un phénomène de polarisation autour de, on va dire, de l'axe qui va de Luxembourg jusqu'à Épinal, en passant par Nancy, Metz, Thionville. Donc là, on a un endroit qui est très développé avec des entreprises, etc. Mais le souci aujourd'hui de la réindustrialisation, c'est emploi et richesse. C'est-à-dire effectivement, si on réindustrialise, on va pouvoir amener de la richesse, mais est-ce qu'on amènera de l'emploi? Ça, c'est moins sûr, parce qu'on a besoin de moins de personnes pour travailler dans les établissements industriels. Donc il y a toujours aujourd'hui, c'est la question. Si on arrive à réindustrialiser, moi je le souhaite, est-ce qu'on arrivera à créer suffisamment d'emplois? Ça j'en doute. En revanche, on pourra créer de la richesse, et ça c'est intéressant. Alors, il se trouve que je suis allé au festival de Villerue, dans votre région, il y a quelques années, et j'avais été frappé par les friches industrielles. Villerue est juste à côté de la frontière luxembourgeoise. On y organisait à l'époque un festival de cinéma italien en écho à l'immigration italienne du début du XXe siècle dans votre région, hein. Et quand on passe la frontière, évidemment, on arrive au Luxembourg, qui est un pays riche, je crois que c'est le niveau de vie le plus élevé en Europe, hein. Et on voit des friches qui sont transformées en lieux culturels, enfin tout est rénové. Du côté de Villerue, en revanche, on voit des anciennes pancartes, hôtels, bureaux de tabac, fermés, murés. C'était il y a 7 ou 8 ans. On en est où aujourd'hui dans la réhabilitation du territoire? Alors en fait, le paradoxe, c'est que c'est grâce au Luxembourg qu'il y a une réhabilitation du territoire, puisque les frontaliers, qui sont très nombreux à avoir vraiment des métiers, surtout l'éventail, on va dire, des métiers possibles, hein, depuis les gens qui travaillent dans le nettoyage industriel jusqu'aux avocats fiscalistes qui travaillent à un niveau international, beaucoup de gens s'installent en France pour aller travailler au Grand-Duché de Luxembourg, où finalement les tarifs des terrains et des appartements sont chers, donc ils préfèrent s'installer en Lorraine. Donc en Lorraine, il y a eu une sorte d'amélioration, on va dire, du paysage grâce à cela. Alors il reste encore des friches, mais là c'est lié aussi à la pollution des sols, et donc c'est pas forcément très facile de combler ces friches et de les faire disparaître. Mais on a effectivement une problématique en fait de rénovation autour de la frontière, parce que ce sont les travailleurs frontaliers qui peuvent s'installer, qui font construire de nouvelles maisons, enfin voilà, on a cette problématique, et du coup c'est grâce au Luxembourg en fait qu'on a cette évolution. Pascal Arguy, il me reste à vous remercier pour la qualité de votre discours et votre érudition sur le sujet. J'ai l'impression que vous pouvez vous poser 300 questions. Vous auriez eu réponse à 300 questions. C'était vraiment merci très agréable. Donc je renvoie les auditeurs à la lecture de ce livre, par exemple, votre livre, de la désindustrialisation de la Lorraine du fer, ou Les mineurs de fer au travail. Merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Usine Or, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, à la technique, il y avait Loïc Frapsos. À suivre sur France Inter, l'ami de Cône, Antoine de Cône. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Fabrice, j'ai une question comme tous les jours. Que faisiez-vous à la fin des années 60? À la fin des années 60, bah, j'étais un gamin, je jouais aux voitures, petites voitures. Je suis qu'un enfant. Vous étiez peut-être déjà sensible, comme vos affaires d'ailleurs, au flower power? Ah oui, vous savez que oui. Ah, voilà. Voyez, c'est l'entourage familial, ça. Vous oui. voyez, nous y sommes. Et eh ben, c'est de ça qu'on va parler, enfin, en tous les cas, de cette période, avec le très beau roman d'Yves Bigot, Catherine, dans quelques instants. À tout de suite.